Merci beaucoup et donc merci à la Société Saint-Simon et à Alexandre Dupillet de m'avoir convié à venir à cette journée d'études. Je parle juste après la digestion, donc l'horaire n'est jamais favorable. Surtout pendant la digestion, ça me paraît encore pire. Oui, donc je voudrais commencer à vous bercer tranquillement avec quelques vers qui circulent dans Paris en 1721, au moment où Dubois est fait cardinal. « Grand Dieu, que venons-nous d'entendre, et qui peut sans surprise apprendre qu'on est fait Dubois cardinal? Non, les annales de France ne nous présentent rien d'égal à cette bizarre éminence. Autrefois, dans semblable affaire, on croyait au moins nécessaire qu'un cardinal dût croire en Dieu. Ce n'est plus que bagatelle, et ces exemples n'ont plus lieu, Dubois en fournit le modèle. Gloire à toi, régent de France, car c'est sans doute à ta puissance que l'arbitre de tes plaisirs doit cette nouvelle dignité. » Et pourrais-tu, d'un moindre zèle, payer son service de son zèle ? La légende noire de l'abbé Dubois est connue. Le maquereau devenu Rouget, dont on parlait ce matin, que chansonne le petit peuple de Paris, continue d'entretenir une image équivoque de cet éphémère cardinal-ministre. Libertin, ecclésiastique marié, ministre prévaricateur, corrompu, on le pense fort éloigné de toute question religieuse. Dans son célèbre film consacré à la régence, Bertrand Tavernier n'hésite pas à placer dans la bouche de Philippe Noiret, campant le rôle du régent, cette phrase qui résume à elle seule toute l'image paillarde du prélat. « Alors l'abbé, en une journée tu vas devenir sous-diacre, diacre, prêtre, évêque puis archevêque. » Et il ajoute « Tu en profiteras pour te faire baptiser. » La récente étude d'Alexandre Dupillet a rendu justice à cette bizarre éminence évoquée dans le texte que je citais plus haut, faisant de lui rien moins qu'un génie politique de la régence. Les savantes études qu'il a consacrées à la régence ne s'intéressent que de fort loin aux questions religieuses, évidemment sans les méconnaître, et c'est pourquoi il m'a semblé important de revenir aujourd'hui sur ces questions religieuses qui sont au cœur des problématiques politiques de la régence, et j'aborderai ce thème en trois points. D'abord, pour évoquer la question janséniste au moment de la régence, puis ensuite nous évoquerons l'implication relative du cardinal Dubois dans l'optique du cardinalat, toujours, et enfin nous verrons comment le ministre a saisi cette problématique lorsqu'il est arrivé aux affaires. Donc la régence est une période de changement. Changement politique, changement social, mais aussi changement religieux. Après la longue agonie de Louis XIV et la lutte contre les jansénistes, le 2 septembre 1715 marque un retournement significatif en faveur des opposants à la bulle unigénitus. L'abbé d'Orsanne, le secrétaire du cardinal de Noailles, ne s'y trompe pas et dans son journal, sur lequel je reviendrai fréquemment, il écrit en jubilant « À peine la couronne eut-elle passé sur la tête du jeune dauphin par la mort de son bisaïeul, que tout cet appareil dressé contre les évêques opposants disparut comme un songe. Il s'éleva tout d'un coup un cri en leur faveur. » Par calcul politique, Philippe s'attache à gagner l'opposition parlementaire et nobiliaire. Il propose en quelques jours une véritable réforme du système de gouvernement, dont Alexandre Dupillet nous parlerait bien mieux que je ne pourrais le faire, qu'est la polysynodie. Les affaires religieuses sont confiées à l'archevêque de Paris, le cardinal Louis-Antoine de Noailles, que vous pouvez voir derrière moi. Quelques jours auparavant, il était encore en disgrâce. Dans sa chronique de 1715, le duc de Saint-Simon s'attribue le mérite de cette nomination qui affole les cardinaux de la vieille cour, Rohan, l'évêque de Strasbourg, et Bissy, évêque de Meaux, ainsi que le nonce, qui est aussi une des figures sur lesquelles nous reviendrons, Bentivoglio. Pour lui, ce nouveau fonctionnement permet de revenir à plus d'honnêteté, de faire disparaître ambition et dissimulation. Après le règne de la cabale, après surtout le règne des jésuites, incarné par le célèbre père Le Tellier, la polysynodie offre, d'après Saint-Simon, les garanties du respect de la foi, de l'écriture et de la parole de Dieu. Les ecclésiastiques ne verraient plus leur carrière soumise à une acceptation parfois de pure forme de la constitution unigénitus fulminée par Clément XI le 8 septembre 1713. Seule leur qualité pastorale, la pureté de leur doctrine, serait prise en compte. On ne peut que nuancer cette remarque, car Noailles a profité de la feuille des bénéfices pour nommer ses proches aux évêchés vacants. Pour aider Noailles dans sa tâche, un conseil de conscience ou conseil ecclésiastique est réuni. Il est composé de plusieurs personnages importants, l'archevêque de Bordeaux, Bazin de Beson, l'abbé Pucelle, donc une des grandes voix du Parlement, et deux magistrats, le procureur général et futur chancelier de France, d'Aguesseau, et le premier avocat général, Joly de Fleury. Le secrétaire de ce conseil n'est autre que l'abbé d'Orsanne, official de Noailles, et fort peu favorable à l'unigénitus, vous vous en doutez. Durant toute la durée de son existence, l'institution a administré au mieux les questions ecclésiastiques. Le conseil est conçu comme un contrepoids gallican aux nominations épiscopales et aux nominations aux bénéfices qui avaient été faites à la fin du règne de Louis XIV. Le régent veut pacifier l'Église et le gage donné aux partisans de Noailles doit ainsi les prédisposer plus favorablement à la négociation. Il fait aussi révoquer les lettres de cachet qui retenaient les évêques opposants à l'unigénitus dans leur diocèse. L'activité du conseil de conscience a été réelle. En revanche, elle diffère grandement des conseils de conscience qui ont pu exister auparavant, en particulier sous Louis XIII et sous Louis XIV. La principale activité de ces conseils était de veiller à la qualité de l'encadrement ecclésiastique et à la qualité des nominations épiscopales. Le conseil, tel qu'il a été établi par Philippe d'Orléans, hérite évidemment d'une bonne part des prérogatives de l'ancien conseil, auxquelles s'ajoutent les questions relatives à la discipline ecclésiastique, c'est-à-dire les problèmes des mœurs des prêtres ou les manques dans le service divin. Le régent et le cardinal président se rencontrent régulièrement afin de traiter des questions qui sont du ressort de ce comité, et donc l'abbé d'Orsanne nous en fait un compte-rendu assez régulier et surtout extrêmement fidèle. L'action du Conseil de conscience a été essentiellement matérielle, mais d'une grande efficacité. Sur la période 1716-1717, il a été saisi de 168 cas, relevant essentiellement du contentieux ou de la discipline ecclésiastique. Les questions qui, normalement, touchent à la bulle unigénitus et aux relations avec Rome ne devaient pas être abordées, elles l'ont été, mais de façon marginale. En effet, c'est principalement à travers la question des lettres d'attache que l'on mesure la dimension gallicane de la politique du régent. Celles-ci, donc ces lettres d'attache, permettaient de contrôler les nominations effectuées par le pape dans les provinces réunies au royaume après le concordat de Bologne, donc de 1516. Ainsi, la nomination devenait effective. Les questions proprement théologiques donc, ne relevaient pas théoriquement de la compétence du conseil, mais de celle de chaque prélat dans son diocèse. Le conseil de conscience a donc été une instance dogmatique une instance d'administration des affaires temporelles de l'Église. Alors que Dubois est en train de négocier la Triple Alliance, la situation religieuse du royaume se détériore. L'abbé, et c'est pour ça que je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, n'est pas encore en première ligne dans ces questions et se consacre uniquement aux nouvelles orientations diplomatiques voulues par le régent. Cependant, en tant qu'ecclésiastique, il sait qu'il ne faut pas insulter l'avenir et ne se désintéresse pas totalement de ces sujets. Saint-Simon évoque le retournement progressif du pouvoir sur la question janséniste. Après avoir mené une action résolument anti-romaine, il devient rapidement difficile de contourner la cour de Rome. Les nominations de Noailles, en particulier dans quelques évêchés comme celui de Bayeux ou celui de Troyes, ces nominations épiscopales ne trouvent pas d'agrément à Rome et le pape Clément XI refuse l'envoi des bulles à Jacques-Bénigne Bossuet, le neveu de l'aigle de Meaux, et à François-Armand de Lorraine, le nouvel évêque de Bayeux. C'est donc au Conseil de Régence que se décide une nouvelle orientation politique qui va être conciliante, qui va essayer de rapprocher les gallicans qui sont donc menés par Noailles d'une fraction plus ultramontaine, ou du moins plus romaine, qui est menée par les cardinaux Bissy et Rohan. Et c'est toutes les ambiguïtés de cette politique qui vont se trouver au cœur de ce travail. Le problème, c'est que cette volonté de conciliation se heurte à deux tendances lourdes de l'Église. La première, qui a les oreilles du pouvoir et qui est menée donc par Bissy, qui représente cette tendance plutôt romaine de l'épiscopat, et de l'autre, la tendance gallicane, qui a été cajolée par Philippe d'Orléans au début de la régence, mais qui trouve que les décisions sont trop modérées pour être justes. Et parmi ces gallicans farouches, on trouve les quatre évêques que vous avez sur l'image que je vous projette. Il s'agit de Pierre de Labroux, évêque de Langres, Jean Soanen, évêque de Senez, Charles-Joachim Colbert de Croissy, évêque de Montpellier, et le Pierre de Labroux, donc évêque de Mirepoix. Donc ces quatre évêques vont faire un acte extrêmement important. Le 5 mars 1717, ils vont demander la réunion d'un concile général de l'Église qui devra décider de la canonicité de la bulle Unigenitus qui déchire les consciences depuis 1713. Cette décision de l'appel a connu un véritable succès dans les diocèses du nord de la France. Je vous renvoie aux travaux de Dominique Dinet, pardon, et Marie-Claude Dinet-Lecomte. On a donc des diocèses comme celui de Paris, comme celui d'Auxerre, ou comme à Troyes, donc des diocèses qui sont très largement touchés par l'appel. Donc des ecclésiastiques vont demander la réunion de ce concile. D'autres diocèses vont être largement épargnés. C'est le cas des diocèses du sud de la France. Par exemple, Xavier Morange à Bordeaux n'a trouvé aucun ecclésiastique qui est appelé. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit le succès réel de cette démarche, le régent se trouve dans une position très difficile puisque son objectif politique est la conciliation et il se retrouve avec un acte officiel de rébellion. Les mesures ne tardent donc pas à être prises. Les quatre évêques qui sont donc réunis sur cette gravure sont de nouveau exilés et dans un souci d'équilibre, le régent essaye de faire pression sur l'archevêque de Reims, le futur cardinal de Mailly, pour qu'il cesse ses exactions contre son chapitre ouvertement appelant. La seule solution qui peut être efficace aux yeux de Philippe d'Orléans, c'est l'imposition du silence. Donc cette décision va être prise en 1717. Philippe d'Orléans va demander à ce que les deux parties se calment, qu'on arrête de s'injurier de noms aussi peu flatteurs que jansénistes, rigoristes ou ultramontains. Et cela lui laisse une possibilité de ne fermer aucune porte à la négociation avec Rome, car c'est à Rome que tout peut se jouer. Mais évidemment, cette politique modérée de Philippe d'Orléans ne trouve que peu d'écho, puisque les ecclésiastiques vont continuer de publier contre ou pour la bulle Unigenitus. Voyant le problème enflé, Philippe d'Orléans va proposer au Conseil de Régence une solution qui permettrait à la France de se sortir de l'impasse de l'Unigenitus, c'est de rompre ses attaches avec Rome. Donc il va être décidé, Saint-Simon nous en fait le rapport dans la chronique de 1717, il va être décidé de mettre en place une commission d'ecclésiastiques qui serait chargée de vérifier comment la France peut se passer de la sanction romaine pour l'investiture des évêques. Évidemment, c'est une tentative qui ne va pas aller jusqu'à son terme, puisqu'elle est uniquement destinée à faire peur à Rome et à mettre la curie dans une position d'accepter la négociation. Pour Saint-Simon, cette décision de soustraction d'obédience est véritablement une grande satisfaction. Seulement, l'effet escompté n'est pas encore au rendez-vous. Philippe espérait le calme, ou en tout cas ramener Rome à la table des négociations. C'est le contraire qui se produit, puisque le 8 septembre 1718, le pape Clément XI fulmine une nouvelle lettre pastorale, qui s'intitule donc Pastoralis Officii, qui excommunie les appelants et qui impose une soumission pleine et entière à toutes les décisions du magistère. C'était donc aller une fois encore contre les décisions et la volonté de pacification qui était celle du régent et du conseil de conscience. Lorsque le souverain pontife s'élève une nouvelle fois contre les appelants, Dubois n'est plus le simple homme à tout faire du régent. Il est auréolé de son prestige diplomatique et sa promotion comme secrétaire d'État aux affaires étrangères ne semble plus être qu'une question de jour. En effet, après avoir réglé la question des bâtards royaux, Philippe prend prétexte de la démission du cardinal de Noailles de la présidence du Conseil de conscience pour supprimer la police inaudite et revenir au système ancien. Donc, je vous rappelle les lettres Pastoralis Officii, c'est le 8 septembre 1718. Le 24 septembre de cette même année, Dubois est nommé secrétaire d'État aux affaires étrangères, remplaçant le maréchal Ducel. C'est à ce moment-là que Saint-Simon nous donne le portrait dont Damien a lu quelques pages tout à l'heure, enfin quelques lignes tout à l'heure. Je ne le reprendrai pas, je ne donnerai juste que la fin du texte. Donc l'avarice, la débauche et l'ambition étaient ses dieux, la perfidie, la flatterie, les servages, ses moyens, l'impiété parfaite, son repos, et l'opinion que la probité et l'honnêteté sont des chimères dont on se pare et qui n'ont de réalité dans les personnes, son principe en conséquence duquel tous les moyens lui étaient bons. Le portrait qui se dresse, enfin qui est brossé par Saint-Simon du futur cardinal Dubois en 1718 est celui d'un ambitieux. Alors on pourrait mettre cette description sur le compte de la haine que Saint-Simon voue à Dubois, mais exactement à la même période, dans le journal de l'abbé d'Orsanne, on trouve exactement les mêmes mots. Dès 1718, le projet cardinalis devient une réalité pour Dubois, et il faut mettre toute sa politique doit être accordée en fonction de cet objectif. Le régent ne renonce pas à trouver un accommodement entre les différentes tendances du clergé et Dubois va servir la politique de son maître. Les refusants qui sont conduits par le cardinal de Noailles, renforcés par le mouvement de l'appel, sont consultés régulièrement, ils ne sont pas écartés des négociations et Rohan et Bissy négocient avec Noailles pour arriver à établir un corps de doctrine qui résumerait de façon indubitable les maximes gallicanes et qui permettrait d'arriver sereinement à une acceptation généralisée de la bulle par le clergé de France. Ces trois éminences représentent donc les tendances principales de l'Église nationale. Bissy est l'incarnation de la tendance ultramontaine qui voit dans Rome la source unique de toute autorité spirituelle. Pour Noailles, c'est davantage la voie gallicane. Quand Rohan se veut le représentant de la via media, celle de la conciliation, de l'accommodement, qui ferait la synthèse entre les principes extrêmes. Et Dubois apparaît fidèle à la ligne du cardinal de Rohan. Sa position ne peut que s'améliorer en suivant cette position conciliatrice voulue par Rohan et soutenue par le régent. Le problème est que Dubois ne peut pas envisager immédiatement une promotion cardinaliste. En effet, Clément XI a pour principe de réserver ses nominations à des serviteurs reconnus de l'Église. Il faut donc que Dubois puisse se mettre en position favorable auprès de la cour de Rome. Et cette position favorable, il va se la créer en soutenant de façon extrêmement virulente les positions du cardinal de Rohan et aussi du cardinal de Bissy. En 1718, les tentatives de négociation sont toujours importantes et André Dreuillet, l'évêque de Bayonne, a été chargé de composer un projet de mandement qui serait une base de négociation entre les trois cardinaux. Et l'abbé d'Orsanne nous raconte cette scène qui se déroule donc à l'archevêché de Paris. Monsieur l'évêque de Bayonne lut ce mémoire avec l'abbé Dubois et lui dit qu'il contenait deux articles que monsieur le cardinal de Rohan ne passerait point. Le premier renfermait une adhésion à l'instruction pastorale de 1714 et le second proposait une acceptation pure et simple qu'il ne dirait jamais et qu'il ne voulait pas restreindre la bulle puisqu'en effet il voulait le faire et qu'il ne croyait pas qu'on pût la recevoir sans cela. L'abbé Dubois voulait défendre les propositions faites par les deux cardinaux, mais il parut n'être point du tout instruit de la matière, et il l'avoua. Voilà. Clairement, Dubois ne sait pas de quoi il retourne, mais, ajoute d'Orsanne, cependant, il ne laissait pas d'être à corps perdu contre monsieur le cardinal de Noailles. Cet abbé, donc Dubois, avait des liaisons intimes avec le cardinal de Rohan et avec les jésuites. On ne doutait pas que le chapeau de cardinal ne lui fût promis, s'il pouvait engager M. le duc d'Orléans à se déclarer ouvertement contre les appelants et les opposants. Sans rien connaître à la théologie, et sans même savoir de quoi il retourne, ou même quelles sont les implications ecclésiologiques de sa position, Dubois choisit de se rallier aux deux hommes en rouge, gage selon lui de l'avancement le plus fastueux et le plus rapide. La carrière du nouveau ministre s'est faite de façon progressive. Pierre après pierre, l'abbé a construit sa route vers les plus hauts sommets du pouvoir. Cependant, il n'a pu le faire seul et les soutiens sont toujours nécessaires lorsqu'on en a ce genre d'ambition. S'y rappeler que l'abbé a toujours bénéficié de l'appui du régent et de l'ordre de l'évidence, il n'est pas inutile de souligner que l'accession au cardinalat tient autant de la négociation diplomatique que de la récompense ecclésiastique. Lors des promotions dites des couronnes, le souverain pontife promeut quelques prélats qui lui ont été recommandés par les souverains catholiques, l'empereur, mais aussi les rois de France, d'Espagne, du Portugal, de Pologne et d'Angleterre, lorsque celle-ci était encore catholique. L'équilibre curial est difficile à atteindre et aucune cour ne doit dominer trop ouvertement le sacré collège. Les dominations royales sont donc rares et scrutées avec attention. Et Saint-Simon s'en fait systématiquement l'écho. Et la promotion la plus intéressante est celle de 1719, car on trouve deux cardinaux, dont un français, qui sont promus motu proprio, c'est-à-dire de la propre volonté du pape, sans que les couronnes n'aient pu intervenir. Il s'agit, en 1719, de la promotion cardinaliste de l'archevêque de Reims, François de Mayinel. Donc le cardinal de Mailly a été promu parce qu'il était donc un anti-janséniste assez forcené. Il avait aussi des qualités qui, semble-t-il, plaisaient beaucoup à Clément XI. La courtisanerie, une forme d'obséquiosité. Saint-Simon raconte régulièrement qu'il reprenait les homélies du pape. Clément XI se faisait fort d'être un grand prédicateur. Et donc, le cardinal de Mailly faisait traduire les homélies et les prononcer lui-même à la cathédrale de Reims. Et donc, tout ça a engagé, je cite, « acheva de gagner et de déterminer le pape qui le fit cardinal sans participation de la France, ni pas un de ses amis ou de ses parents dans ce pays-ci. » Si l'on prend les autres noms de cette promotion, on trouve aussi le cardinal de Gèvres, on trouve le cardinal Spinola pour la cour impériale, le nonce Bentivoglio, tous ces noms appartiennent à des familles qui sont très, très riches, très installées, et Dubois n'a pas les soutiens que ces hommes pouvaient avoir. Un chapeau cardinaliste coûte cher, et il faut bénéficier de ces soutiens pour toucher la cour pontificale le plus efficacement. À Rome, donc, il est nécessaire d'avoir des soutiens. Et pour le pape, la promotion cardinaliste de Dubois est quelque chose qui est envisageable, mais pas à court terme, puisque gagner Dubois, c'était le moyen pour Clément XI d'obtenir une porte d'entrée favorable auprès du régent. Alors, le pape va commencer d'abord par octroyer quelques faveurs à Dubois, en particulier l'indulte commandanti pour l'abbaye de Bourgueil que le régent lui a accordé, mais il ne va pas au-delà. Alors, Dubois va s'appuyer sur des réseaux, des soutiens officiels. C'est le cas, par exemple, d'Emmanuel Joseph de la Trémoille, qui est chargé d'affaires du roi à la cour et qui reçoit donc l'ordre de favoriser le chapeau de Dubois par l'intermédiaire aussi du jésuite Lafitau. A l'avantage d'être un proche de Clément XI, qui lui fait confiance, qui le missionne plusieurs fois pour aller négocier l'accommodement en France, mais Lafitau, d'après Saint-Simon, aurait trahi les intérêts de Dubois en n'obtenant pas le chapeau au moment où il aurait dû le faire. Donc Dubois va trouver un autre soutien beaucoup plus efficace. Il s'agit de cet autre cardinal, mais il ne l'est pas encore, il ne sera que bien plus tard, qui est Pierre Guérin de Tencin. Tencin, c'est le frère de Madame de Tencin, la maîtresse de Dubois. C'est un homme qui est encore assez peu connu à la cour, même s'il partage lui aussi la haine de Saint-Simon. On le connaît pour avoir été le responsable de la conversion de John Lass au catholicisme. Il aurait baigné dans quelques procès pour simonie. Donc c'est un homme qui est gagné. Il est gagné par l'ambition et il n'aura de cesse de se rapprocher du pontife, l'objectif étant de devenir ambassadeur. Et Alban Pialou a très bien montré le rôle qu'il avait pu avoir à la cour de Rome lorsqu'il devient ambassadeur dans les années 1730. Il voudrait aussi devenir ministre, mais il ne le deviendra jamais. Tencin. Si, il entre au conseil plus tard. Il entre au conseil, mais sur la fin, et il ne sera convoqué qu'une seule fois. Dubois, enfin Tansin, pardon, va se rapprocher des personnages les plus utiles à la promotion de Dubois, en particulier le cardinal Albani, qui est le neveu de Clément XI, mais aussi l'archevêque de Viterbe, Michelangelo dei Conti, qui va devenir pape sous le nom d'Innocent XIII. Donc la question religieuse n'est qu'un des dossiers sur lequel Dubois fonde ses espoirs. L'autre n'est rien moins que la question espagnole, qui, après la découverte de la rocambolesque affaire de Chelamar, débouche sur une guerre avec le royaume de Philippe V. Héritier des cardinaux ministres du XVIIIe du XVIIe siècle, Dubois considère que la pourpre comme une récompense pour les services qu'il rend à l'État. La querelle religieuse qui secoue la France doit être réglée pour que cette éminente dignité lui soit octroyée. Mais dans l'hypothèse inverse, il ne la mériterait pas moins pour avoir donné la paix à l'Europe et apaisé les tensions diplomatiques qui divisaient le continent depuis la fin de la guerre de succession d'Espagne. Les négociations qui se déroulent à Rome sur la pacification religieuse sont toujours très centrales dans la politique du régent. Seulement, les années 1718-1719 sont très compliquées, puisqu'en 1719, le cardinal de Noailles fait paraître une instruction pastorale sur la constitution Unigenitus, qui a un double effet. Le premier est de rendre public l'appel qu'il a interjeté au Concile général de l'Église, et le second, de donner des arguments contre la bulle Unigenitus. Cette instruction pastorale est un monument d'érudition ecclésiastique qui va être scruté à Rome et qui va évidemment entraîner des réactions très très difficiles de la curie. Le pape parle même de décardinaliser Noailles. C'est un cas extrêmement rare, hein, puisqu'il n'y aura, je crois, que deux exemples dans toute l'histoire de l'Église. Et fait miroiter à Dubois que le chapeau que l'on retirerait à Noailles pourrait lui revenir. Dubois, et c'est tout à son honneur, refuse cette possibilité, mais on en continue pas moins de rechercher l'accommodement, et c'est le cardinal de la Trémoille, donc le chargé d'affaires, qui va proposer une solution qui semble acceptable par tout le monde. Cette solution, c'est de publier un mandement pour le diocèse de Cambrai, dont il est archevêque. Le pape accepterait l'instruction pastorale, les évêques de France accepteraient l'instruction pastorale ensuite, et la solution serait trouvée. Cette solution se heurte à deux écueils. Le premier, c'est que l'instruction pastorale est très mauvaise, tout le monde le dit, que ce soit Laffito ou Dorsane. Et le second écueil, c'est que le pape n'a pas envie de donner de solution à cette crise française. Il veut que la crise se règle dans l'objectif, hein, dans la soumission à Rome. Pourtant, le cardinal de la Trémoille, s'il est quand même un peu contesté en France, ses efforts ne sont pas remis en cause par le régent qui, en 1720, va réussir son coup politique. En mars 1720, il va réussir à faire signer au cardinal de Noailles et aux deux autres cardinaux, donc Bissy et Rohan, qui vont être ensuite suivis par les autres évêques de France, un corps de doctrine, le fameux corps de doctrine rédigé par Massillon et par le père de la Tour, qui est le supérieur général de l'oratoire. Ce corps de doctrine synthétise donc les problèmes posés par la bulle et permet une acceptation générale dans le clergé. Le 13 mars 1720, le régent a cette jolie formule pour dire qu'il a réussi. Il dit « j'ai bridé mes ânes », les ânes étant les évêques de France. Le 4 août 1720, le cardinal de Noailles publie le corps de doctrine, donc on pourrait supposer que cette solution a enfin permis de redonner la paix à l'Église de France, mais il n'en est rien, puisque les quatre évêques dont je vous parlais tout à l'heure appellent des lettres pastoralis officii et dénoncent l'accommodement. Nous sommes donc devant une victoire à la Pyrrhus, et il faut que la solution vienne de Rome, et cette solution, on va la trouver avec la mort de Clément XI. Alors, je passe très vite le cursus honorum de Dubois suite à cet engagement dans la question de l'accommodement va progresser. Il va d'abord devenir archevêque de Cambrai. Il regrette de n'être pas fait cardinal immédiatement. Et il va mobiliser son réseau diplomatique, en particulier le réseau anglais, expliquant qu'il a fait la paix de l'Europe, donc il est nécessaire que les couronnes s'unissent pour qu'on lui donne ce chapeau. Donc la promotion de Dubois ne se fera qu'après la mort de Clément XI, et donc après surtout le conclave de 1721. Donc au conclave vont être évoquées plusieurs questions, en particulier donc la solution de la crise de l'unigénitus et le chapeau de Dubois. C'est donc le cardinal de Rohan qui se trouve au centre de cette diapositive qui va négocier l'élection de Michelangelo dei Conti comme pape, et Tencin, lui, va acheter, ni plus ni moins, il va soudoyer son secrétaire pour engager le futur pape à nommer Dubois cardinal à la première promotion. Alors, ce ne sera pas la première, ce sera la seconde, puisque c'est seulement le 16 juillet 1721 que Dubois obtient le chapeau rouge qu'il convoitait tant. Et dès sa nomination, on commence à faire les comptes. Le chapeau aurait coûté 2 millions, 4 millions, parfois 8 millions, trouve-t-on. En tout cas, les sommes déversées par le cardinal Dubois à Rome ont été très importantes. Mais une fois cardinal, les problèmes religieux ne s'arrêtent pas. Il faut continuer à accommoder ce clergé de France toujours aussi rétif. Et c'est ce à quoi va s'employer Dubois, mais en changeant de stratégie. À partir de 1722-1723, le cardinal va passer de la conciliation à une forme de sanction. Il va être élu, et c'est à la toute fin de sa vie, président de l'Assemblée générale du clergé de France. Ce clergé de France doit éponger ses dettes après la faillite de l'As, mais il doit surtout mettre en place un certain nombre de décisions qui permettront la tenue de conciles provinciaux qui seront nécessaires pour juger les évêques récalcitrants, en particulier l'évêque de Boulogne, Pierre de Langle, ou l'évêque de Montpellier, Colbert de Croissy. Dubois ne verra pas le résultat de ces conciles provinciaux. Il n'y en aura qu'un seul, d'ailleurs, qui se tiendra en 1727-1728, qui est celui d'Embrun et qui déposera Soanen. La mort du cardinal Dubois le 10 août 1723 l'a empêché de voir donc la conclusion de l'Assemblée du clergé. Celle-ci, sous sa présidence, a inauguré un nouveau mouvement dans la politique religieuse de la monarchie. Après la recherche de conciliation qui a marqué toutes les années de la Régence, l'année 1723 voit apparaître la volonté d'action ciblée sur les personnalités les plus engagées dans la querelle janséniste. La politique religieuse menée par Philippe d'Orléans a été marquée par l'équivoque et une forme de duplicité toute politique. Lorsque les jansénistes sont utiles au pouvoir, le gouvernement se les attache et multiplie les gestes en leur faveur. Les choses changent en 1718 après l'important mouvement d'appel au Concile général. Si la conciliation demeure le but à atteindre, les sanctions commencent à pleuvoir contre les adversaires du régent. Fleury, devenu cardinal et premier ministre, n'aura pas d'autre politique. Une répression sévère contre les agitateurs, mais une douce tolérance pour les opposants modérés. La figure de Dubois permet aussi de tirer d'autres enseignements sur l'histoire religieuse du début du XVIIIe siècle. La fonction de cardinal n'est pas une simple distinction religieuse. C'est avant tout une récompense pour les services rendus. Mais services rendus à qui ? Au Saint-Siège, le pape est le seul à pouvoir prendre la décision de promouvoir de nouveaux corporati. Aux États, les pressions exercées par le régent ainsi que par les autres souverains laissent penser que la dignité cardinaliste n'est plus seulement du ressort du pape, mais bien le terme d'un cursus honorum ecclésiastique auquel tout prélat pourrait théoriquement prétendre. Étant mal connu pour le XVIIIe siècle, le cardinalat mérite aujourd'hui d'être étudié pour ce qu'il est. Un enjeu diplomatique, une récompense ecclésiastique, un instrument de pouvoir. Dubois n'est pas un macro devenu rouget, mais l'exemple de ce que le génie politique associé à la finesse et à la persévérance est capable de faire. Je vous remercie.